Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Nathalie, voyageuse sur l'eau, m'a passionnée. Pendant plus d'une heure, je me suis régalée à écouter l'histoire de sa vie sur les flots. Dans cette deuxième partie de l'émission, Nathalie nous emmène avec elle à l'intérieur de Timshal, son bateau. Une émission à écouter les yeux fermés pour se laisser bercer par la magie de son récit. Le vent monte et en Méditerranée, on dit que dans une seule journée, tu peux avoir toutes les saisons, quoi. Dans la Méditerranée, tu es sans cesse en train de... Ben, le matin, il fait très beau, tu n'as pas d'air, tu es presque au moteur parce que bon, tu es là, c'est calme, c'est tout ça, c'est les grandes vacances, tu vois. Et puis tout à coup, ben, ça Pedro, il sait très bien parce qu'il a enseigné la voile Méditerranée. Et puis tout à coup, tu te retournes et on dit, oh, on prend un riz parce que derrière, il y a une barre noire et tu vois la mer, tu vois... Tu vois l'écume là sur l'eau, là, sur les petites vaguelettes, tu te dis waouh! Alors devant c'est tout beau, tu vois, c'est tout clair, tu te retournes, c'est apocalyptique. Donc là tu commences à prendre un riz, et puis dans la foulée, deuxième riz, troisième riz, quoi. Et puis là, boum, ça arrive, gros vent. Bon, souvent tu te retrouves au pré dans le bateau très gité, alors que tu étais en maillot, il faisait chaud et tout ça. Puis là, il fait froid, ça caille, quoi, tu vois. Ben, ça change, tu te croirais en hiver en 3 minutes, quoi. Puis voilà, ce coup de vent au bout de 3-4 minutes, peut-être même 10 minutes, un quart d'heure, bon ben, ça peut varier, hein, mais je dis, ça peut se passer très rapidement aussi. Tout d'un coup, ben voilà, le vent se calme, et puis à nouveau, ben voilà, ça devient paisible, jusqu'à après, peut-être une heure, deux heures, trois heures après, t'as encore un nouveau coup de vent. Mais c'est spécial la Méditerranée, alors que dans l'océan, c'est pas comme ça du tout, ça se passe très lentement les dépressions. Ça évolue lentement dans l'océan. Donc voilà, tu veux, dans l'océan Atlantique, nous on est partis, c'était pas la période cyclonique évidemment, on navigue pas dans la période cyclonique. Hein. Donc là c'était les alizés, donc voilà quoi, c'était grand ventilateur derrière. Voilà, c'est la première expérience fabuleuse quoi, première expérience de traversée. Lorsqu'on est arrivé, moi je dis on est déjà arrivé quoi. C'est pas que t'as envie de faire demi-tour, mais tu te dis mince quoi, c'est dommage quoi, on est déjà arrivé quoi. Parfois t'as presque pas envie d'arriver quoi, tellement c'est magique quoi. Quand tu dis déjà arrivé, c'est combien de temps? Parle-nous un peu de notions temporelles. Et bon, après, quand c'est des grandes distances, il faut qu'on change les heures aussi. Mais l'avantage, nous, c'est qu'on change les heures lorsqu'on en a envie, quoi. On sait qu'entre le Chili, par exemple, et la Polynésie, ben, on avait des heures à changer. Ben, on n'a pas changé chaque fois au fuseau, non. On a changé quand on se sentait bien. On a dit, bon, ben, et si on faisait le changement d'heure demain, qu'est-ce que t'en penses? Ben, allez, c'est pour demain. Ouais, c'est pour demain. Allez, d'accord, ça va. Tu vois, bon, par contre, il vaut mieux arriver avec l'heure du pays, c'est mieux, parce que sinon, t'as un trop gros décalage, quoi, après. Mais c'est nous qui décidons, quand même, de ce changement d'heure, quoi. Et puis, lorsque nous étions en Équateur, on a décidé d'aller au Chili. Moi, je rêvais d'aller au Chili depuis toute petite, ce pays. Enfin, ça faisait partie de mon rêve aussi. Alors, on s'est dit, on va aller au Chili. Mais le Chili, c'était compliqué, parce que c'est contre le courant de Humboldt, et c'est contre aussi le vent, quoi. Donc on est parti contre le vent et courant. Mais ça, on savait quand même qu'on allait avoir une navigation difficile. Donc on a décidé donc de partir. On pouvait faire un grand bord vers l'île de Pâques et revenir, mais on a décidé de faire des petits bords, de tirer des bords. On appelle ça, lorsque tu navigues face au vent, tu ne peux pas. Donc tu dois avoir un certain angle chaque fois. Ça s'appelle tirer des bords. Et là, on a décidé de faire ça. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui nous est arrivé, quoi. Mais pas du tout. Et puis si on l'avait su, on ne l'aurait jamais fait non plus, quoi. Alors heureusement qu'on ne savait pas ce que ça allait être. Parce que parfois, il vaut mieux ne pas savoir, quoi. Et qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ben en fait, on s'imaginait qu'on allait tirer des bords et qu'on allait arriver déjà beaucoup plus rapidement qu'on est arrivé. Et puis on s'est dit, il n'y a pas de gens qui naviguent par là-bas, il n'y a pas beaucoup de petits pêcheurs, si tu veux, sur cette côte-là. Et puis voilà, quoi, en fait, on ne s'était pas trop renseigné, quoi. Et puis en fait, bon, déjà, cette côte-là, tout le long du Pérou, tu n'as aucune visibilité parce que tu as une brume permanente, ce qui veut dire que nous, pendant 48 jours, on n'a même pas vu l'avant de notre bateau qui fait 11 mètres, pas vu le soleil. On a tiré des bords. Le courant était tellement fort que certaines fois, le matin, ben, on était plus nord que la veille. On n'avait même pas avancé, on avait reculé. Si tu veux, on s'est accroché, mais on s'est accroché pour descendre là. On a dit, il n'y a rien qui nous fera retourner. Non, mais on va y arriver. Puis c'est surtout qu'il faisait froid et que nous, ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu froid. Comme le courant de Humboldt arrive du sud, hein, donc de la Patagonie, de l'Amérique du Sud, c'était froid, la mer était froide. Et puis on était surtout à une allure difficile, parce qu'on était au pré justement, où le bateau, je te dis, pour que vous compreniez l'image, il est penché soit d'un côté, soit de l'autre, et vraiment penché. Donc là, il faut vraiment aussi que tu prépares tout pour pouvoir vivre à l'intérieur, quoi, sans trop d'inconfort, quoi. Donc là, tu voilà, chaque fois que tu vires de bord, ben, tu changes tout de côté, quoi. Tu vois, parce que tu dors tout le temps sous le vent. Tu dors pas au vent, bien sûr, tu tombes. Chaque fois, on remet tout sous le vent à chaque fois. Et puis, il y a une allure, comme la cuisinière est d'un côté, il y a une allure où c'était très difficile de cuisiner aussi. Alors, il fallait penser cuisiner avant qu'on vire de bord, si tu veux. Et puis, c'est surtout les filets des longliners, en fait. Il y avait tous ces longliners coréens, et ça, on ne savait pas qu'on allait trouver ça. Donc, on était sans arrêt, coincés. Tim Schall était coincé dans une espèce de toile d'araignée, avec des espèces de lignes inox, avec des centaines de lignes aussi, avec des hameçons monstrueux. Et on a été tout le temps dans des trucs comme ça, quoi. Alors, à tirer ces espèces de câbles, à tirer avec une gaffe. Alors, il fallait qu'on mette la tête dans l'eau pour pouvoir les sortir un petit peu, et on les cassait, quoi. Au début, on ne voulait pas casser, on voulait essayer de sortir par nous-mêmes avec Tim Schall, quoi. On essayait de faire des marches arrière et tout, patilota, mais en fait, on se prenait encore plus dans cette espèce de toile d'araignée. Alors, on devait casser. Et on n'a pas arrêté de faire ça. On n'a pas arrêté de casser des lignes inox comme ça, quoi. Jusque près des côtes du Chili, où là, après, en fait, il n'y avait pratiquement plus de vent. Et il y a les baleines jubardes qui sont arrivées et qui sautaient, des trucs de 12-13 tonnes qui sautent, quoi. Cela, c'était hallucinant, parce que d'un coup, il n'y a rien. Tu es dans le brouillard en permanence. Hein, et tout à coup, tu vois des monstres, des animaux, qui arrivent comme ça, qui commencent à passer à côté de ton bateau. Puis tu te dis, mais il y a de la vie quand même ici, parce que ce brouillard pendant toutes ces journées, ça, c'était terrible. Hein, franchement, c'était terrible. Nos voiles étaient vieilles déjà. Elles se déchiraient. Alors, on devait affaler les voiles, on devait les recoudre à la main. Pendant nos heures de quart, quoi. Alors, c'était éprouvant quand même. C'était un voyage éprouvant. Et puis avant d'arriver, ces baleines-là, c'était... Alors là, ça... Oh, on s'est dit, mais il y a une vie, ça va, on n'est pas tout seul, quoi. C'était impressionnant, quoi. Puis c'est vrai que ces monstres qui sautent comme ça, hein, moi, ça m'a terrorisé au début, quoi. Je ne pouvais pas prendre de photos, rien du tout, quoi. C'était... Wow. Puis ensuite, on se disait, ben voilà, nous sommes à 48 heures maintenant. Par rapport à notre vitesse, on était à deux jours des côtes du Chili. Là, c'est un truc de fou, quoi. Tu tiens plus, quoi. Tu te dis, mais ça va arriver, quoi. Par contre, ça, le Chili, j'avais hâte de voir la Terre. C'était vraiment spécial, quoi. J'en ai rêvé de cette arrivée. J'en ai rêvé tout le voyage de voir cette côte. Et puis, en fait, cette côte, elle ne voulait pas se montrer, quoi. On était à un jour de nav et on se disait, bon là, quand même, demain soir, peut-être qu'on verra des lumières de la ville, quoi. On y est. Et puis non, mais le soir, rien. Et puis le lendemain matin, rien. Et je sais pas si tu vois, on était à 4000, moins de 8 kilomètres. Et on voyait toujours rien. Et là, tu vois, même si tu sais que tu y es, tu flippes un peu, quoi. Tu reprends la carte, tu dis, mais c'est bien là. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, ça, on y est, quoi. Je me disais, mais il se fait désirer, ce pays, quoi. Mais c'est pas possible, mais on le voit pas. Et puis Pedro me disait, non, mais t'inquiète pas. Je disais, c'est pas que je m'inquiète, c'est que je n'en peux plus. Tu vois, c'est comme si je retrouvais un bon ami, quoi. Je voulais le revoir, quoi. Alors que je l'avais jamais vu, tu vois. Et je me disais, mais... Et puis non, mais on était à... Après, c'était de la folie, parce qu'on était, à 2000. On était à moins de 4 km, quoi. 3,8 km, quoi. Et on voyait toujours rien. Et à 1000, on voyait toujours rien. Non, je crois que j'avais le cœur qui allait s'arrêter, quoi. C'est plus possible, ça. Je ne peux plus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de brume. Hein. Et tout à coup, mais ça n'est pas venu progressivement, quoi. Tout à coup, bam ! Le désert devant toi, quoi. Là, oh, waouh, tu peux plus respirer, là, t'es là. Et j'étais tellement, tu vois, on s'est arrêté, quoi. Et tellement, on n'a plus rien fait, quoi. Tout à coup, on s'est dit, mais on est fou, on est tout près de la côte, là. Attends, il faut virer, quoi. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Tu vois, on était... Enfin, moi, j'étais... Ouais, c'est une sidération, quoi. Je pouvais plus rien faire, quoi. J'avais mon cœur qui battait, les poils là, la chair de poule, je n'arrivais plus à déglutir. Je sais pas, je l'ai rêvé ce pays pendant tellement d'années. Puis pour moi, aller au Chili, tu vois, c'était tous les grands navigateurs qui faisaient ce genre de route, quoi. Si je me disais, moi, petite Nathalie, petite Sétoise, tu vois, hein, je suis arrivée là, mais c'était de la folie, quoi. J'étais. Ouais, mais en même temps, on n'est rien, mais en même temps, là, quand même, je crois que c'est des seules fois de ma vie, tu es fière de moi, quoi. Je me suis dit, on s'est battu avec Pedro pour y arriver, parce que c'était pas facile, hein. On s'est battu pour y arriver, pour descendre là-bas, quand même, hein. Et puis, voilà, lorsqu'on est arrivé au Chili, on avait rencontré un Français au Costa Rica qui nous avait dit, moi, je vis au Chili. Si vous venez un jour au Chili, venez me voir. Et donc, on a aussi été au Chili, parce que on l'avait rencontré et on voulait le revoir aussi. Et donc on est arrivé dans cette marina. L'armée est venue nous accompagner, nous escorter donc pour rentrer dans cette toute petite marina dans la baie de Iquique. Puis la baie de Iquique, c'est une grande histoire avec le nitrate. Et puis c'était un grand port avant, quoi. Elle a été connue. Donc on est arrivé là et puis les gens sont venus nous accueillir. Et puis on a été de suite avec les gens et on a acheté des olives, de l'huile d'olive chilienne, du fromage. Tu vois, ça faisait des 48 jours nous qu'on avait mangé nos petites conserves qu'on avait faites, tu vois, en Équateur. Et puis là, on s'est dit, mais comment ça, des olives, de l'huile d'olive? Mais c'est pas possible, c'est la Méditerranée ici, non? Et puis après, on nous a dit, mais oui, mais la vallée centrale, Valparaiso, ben oui, Paine, c'est le vin, les olives, les abricots, et puis, non, c'est pas vrai, le thym, la farigoulette, tout ça, mais c'était un petit coin de la Méditerranée, en fait, le centre du Chili. Mais nous, là, on était encore dans le désert, quoi, tu vois. Et ensuite, on a revu Richard, qui nous a vu arriver un beau matin, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit, mais vous êtes arrivé avec Tim Schall. Non, mais c'est pas vrai, avec Tim Schall, depuis l'Équateur. Il nous a dit, ce soir, je ferme le resto, j'invite tous mes copains et on fait la fête, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. On a rencontré tous les copains de Richard. Et en fait, c'est devenu notre grande famille chilienne, quoi. Là, tu es au Chili, tu as raconté votre arrivée au Chili en partant de l'Équateur, mais là, je te rencontre à Bali. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Oui, en fait, tu sais, il y a des routes. Hein. En fait, c'est comme sur l'eau, c'est comme à terre, mais elles ne se voient pas, ces routes-là. Mais en fait, il y a des endroits où tu peux passer, des endroits où tu ne peux pas passer, parce que tu ne vas pas aller contre le vent. Enfin, nous, ce n'était pas notre projet d'aller contre le vent en courant, mais à part qu'au Chili, on n'avait pas le choix, parce qu'on a décidé de passer par Panama. Et tu vois, il aurait fallu qu'on passe par le sud, qu'on fasse la route de l'Argentine, le sud, pour remonter avec le vent et le courant. Mais nous, on a voulu passer par Panama, donc on savait bien qu'on allait aller contre le vent et courant. Mais après, il y a les saisons qui font que tu ne vas pas aller dans les endroits pendant la saison cyclonique et les endroits où tu ne peux pas aller à cause des courants. Donc en fait, tu sais, les routes sont déjà tracées, quoi, hein, de part de la nature, de par des vents et des courants, quoi. Donc en fait, tous les gens qui naviguent, ils font les mêmes routes, hein, en fait. Hein. Donc nous, lorsqu'on était par exemple au Chili, bien depuis le Chili, les possibilités qui sont offertes à toi, surtout depuis le nord du Chili, nous, tu fais ta route à l'ouest, hein, tu arrives en Polynésie française. D'accord, donc après, une fois que tu es au Chili, tu ne vas pas continuer à descendre contre le vent et le courant qui sont de plus en plus forts. C'est pratiquement impossible, quoi, de faire cette route-là, quoi. Donc après, tu pars à l'ouest, hein, donc voilà, tu fais ta route par le nord. Donc vu qu'il y a un anticyclone qui est, si tu veux, sur la route entre le nord du Chili et la Polynésie, tu as un anticyclone là. Donc nous, il a fallu qu'on remonte vers le nord, qu'on aille sous les Galapagos pour après redescendre et pour aller vers les îles de Polynésie française. Quoi. Si on avait coupé droit, on aurait pu faire ça peut-être en 3 semaines. Quoi. Mais là, il a fallu qu'on fasse une grande route. On a fait 4000 milles. Quoi. Il a fallu qu'on remonte vers le nord pour éviter, si tu veux, ce cercle, cet anticyclone dans lequel il n'y avait pas de vent. Quoi. Donc on a fait un grand tour. Quoi. En plus d'être une grande navigatrice, t'es une superbe conteuse. C'est impressionnant la manière dont tu racontes les histoires, tu nous emmènes, tu nous emportes avec toi. Et c'est absolument magique. Merci Nathalie. J'aimerais aussi savoir, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment est-ce que tu vas... Depuis combien de temps tu es sur la mer ? Ben moi je sais pas. En fait moi je sais pas. Je peux pas te dire parce que... Moi, j'ai toute ta vie en fait tu as été sur un bateau, enfin entre des escales sur la terre mais pour reprendre le large quelques semaines après. Oui parce qu'en fait on peut être sur la terre mais on peut ne pas... On peut plus se sentir sur l'eau que sur la terre. En fait la terre en fait c'est quand même... Il y a quand même beaucoup d'eau non ? Je veux dire, les continents, mais on a quand même beaucoup d'eau autour de nous, partout, quoi. Je veux dire, moi, je trouve qu'on est dans un élément plus liquide que solide, quoi. Et puis, je sais pas, toute notre expérience, enfin, on vient d'un milieu liquide aussi, quoi, quand même, lorsqu'on est un bébé, quoi. Mais moi, je sais pas, moi, j'ai jamais l'impression d'avoir été sur la mer, quoi. J'ai toujours l'impression... J'y suis pas allée, quoi. J'y suis, quoi. J'y étais, j'ai pas l'impression d'y avoir été un jour, quoi. Je crois que j'y suis depuis toujours, quoi. Je sais pas, moi j'ai l'impression que, ouais, du fait qu'on soit dans ce liquide là, amniotique, là, je crois que j'y suis depuis toujours, quoi. Je crois que je l'ai jamais quitté. Peut-être que j'ai jamais voulu le quitter, justement, ce moment-là. J'ai voulu que ça dure. Alors je suis partie sur l'eau, peut-être pour ça, quoi. Je sais pas, peut-être. Il y a un concept qui est rigolo, on disait avec Fé avant, tu sais, il y a un magazine là, qui parle de simplicité volontaire, de sobriété heureuse. Donc tous ces termes-là de gens qui essaient d'aller vers une vie simple, de limiter leurs besoins matériels. En fait, sur un bateau, tu es là-dedans en permanence. Oui, en fait, ça dépend de quelle façon tu vis, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont à bord des bateaux et qui vivent avec la machine à laver, le congélateur. En fait, leur bateau, ils transposent tout ce qu'ils ont dans leur maison sur leur bateau. Et en fait, ils ont besoin d'énergie donc, pour faire marcher toutes ces choses-là, quoi. Donc, ils sont extrêmement dépendants. Parce que plus tu as d'électronique à bord, plus tu as de matos, il te faut de l'énergie, quoi. Il te faut un groupe électrogène. Ce groupe électrogène, il te faut du diesel. Donc il faut aller à terre, il faut l'acheter, ça pollue. Tu es dépendant de trouver du diesel tout le temps. Et puis après, l'électronique, c'est pareil. L'électronique, nous, on a juste le minimum, quoi. Après, sur l'électronique à bord, il te faut aussi de l'énergie pour le faire fonctionner. Donc il faut plus de batteries comme on a nous, mais des parcs à batteries. Si tu veux. Et puis, c'est pareil aussi, quoi. Électronique à bord, ça s'abîme dans le milieu salin. Puis, les gens, ce qu'ils font, ils arrivent à une escale, ils envoient leur matos aux États-Unis, ils renvoient en France parce que ça ne marche plus. Et puis, ils attendent à l'escale que ça revienne. Alors, ils dépensent de l'argent fou. Ils sont aussi. Il y a aussi ce problème-là que tu es contaminé parce que, à nouveau, tu attends, tu es énervé parce que les mecs, ils ne te renvoient pas ton matériel et tout ça. Alors que nous, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'avoir 3 GPS, 3 pilotes. Nous, on a le strict minimum. Les gens nous disent, mais comment vous voyagez ? Vous êtes des dinosaures ! Encore avec les cartes papier ! Mais il faut arrêter, ta table à cartes, tu la coupes là et tu mets un ordinateur, tu gagnes de la place. Mais moi, je n'ai pas envie de gagner de la place. Moi, j'adore mes cartes papier. Nous, on navigue comme ça, on a la règle crasse, on a le compas. Mais c'est comme ça qu'on envisage. On n'a pas envie d'avoir d'ordinateur partout, d'avoir un cadran qui nous dit, plus 3 degrés, il faut aller à plus 3 degrés à droite pour suivre le cap. Mais nous, on ne veut pas suivre le cap, attends. Nous, on se balade. Nous, si on veut aller dans un endroit, eh ben, on y va avec le vent. On n'a pas besoin de faire du 360 pour aller, ou du 280 pour aller dans un endroit. Nous, ben, on va faire du 240 et puis le lendemain, ben, on verra. Peut-être qu'on fera du 320. Et puis voilà, mais ce n'est pas le pilote qui va nous dire où aller, c'est le vent, quoi. Les gens, maintenant, en fait, ils branchent tous leurs appareils, ils mettent un point, tu vois, alors on est là. Et pour aller, par exemple, à Bali, il faut faire du 170. Mais eux, ils s'en moquent, parce que ils s'en moquent. Le vent, ben, si le vent tourne, eh ben, à un moment donné, on ne peut plus, parce qu'on ne veut pas y aller au pré, alors on met le moteur. Mais ils restent sur le 170. Et si toi, tu es sur leur bateau, tu prends la barre un moment, tu enlèves le pilote, eh ben, parce que tu veux suivre le vent, donc tu changes un peu de cap, et tu fais du 152, ils sont là, mais tu es... Oh, mais non, mais attends, il faut faire du 170, où tu vas, là? Tu fais du 152. Mais c'est pas un problème, ça, de faire du 152, c'est pas grave, ça, tu vois. On n'est pas sur la route, on va pas tomber dans un ravin parce qu'on a changé de cap, quoi. Et puis, on navigue, c'est le vent, quoi. Tu vois, c'est ça, quoi. C'est ça, nous, en fait, nous, on a une façon différente. On est, ouais, on nous appelle les dinosaures, les gens. Vous allez où? Ben, nous, lorsqu'on a parti du Cap Vert, vous allez où? Ben, nous, ben, on va en face. Enfin, on va dans les Caraïbes, quoi. Mais vous allez où? Ben, nous, on n'en sait rien, nous. Ben, nous, c'est pas nous. Nous, on s'en moque d'arriver à un tel endroit. Nous, ce qu'on veut, c'est, voilà, c'est naviguer confortablement. On n'a pas un plan, quoi. On s'en moque. Hein. Voilà, quoi. On navigue comme ça, quoi. Et on n'a pas de désalinisateurs non plus, parce que tous ces gens qui ont les désalinisateurs, qui ont tout, je m'excuse, je ne veux pas critiquer les gens qui vivent comme ça. Mais en fait, après, ils vivent en autonomie complète. Hein, et en fait, après, ben, ils ne rencontrent plus personne, quoi. Ils sont avec tout leur matos à bord. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'eau. Ils n'ont pas besoin. Alors, nous, déjà, c'est un besoin qu'on a d'aller chercher de l'eau douce. Donc, on ne rencontre pas les gens parce qu'on a besoin d'eau douce, parce qu'on irait quand même, si tu veux. Mais on a besoin d'aller, alors nous on cherche, hein. On va à terre, on cherche, on demande où est-ce qu'il y a des sources, on doit remplir nos jerricanes. Nous on a 120 litres d'eau dans notre bateau d'eau douce. Et en général, le même bateau que nous, les gens ont parfois 1000 litres. Mais nous ce qu'on a, c'est beaucoup de bouquins. Alors voilà quoi, donc en fait si tu veux, nous on a beaucoup de places qui sont prises par les bouquins. Mais l'eau c'est très important aussi, c'est vrai. Donc, mais nous on a des jerricanes, on va chercher. La plupart des gens qui naviguent, ils nous disent mais qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire des feux de bois et tout ça, pourquoi je vous... Mais nous on a le congélateur, on va faire trois entrecôtes et puis vous allez manger avec nous et tout. Mais nous on ne veut pas ça, cette vie-là, ça ne nous intéresse pas quoi. On ne veut surtout pas vivre comme ça quoi. Mais les gens, ce qui est embêtant, c'est que voilà, c'est un peu... Ils parlent de nous un peu péjorativement, c'est un peu dommage, quoi, je trouve, parce que moi, ça me dérange pas comment ils vivent, quoi. Mais je trouve que c'est un peu dommage, c'est tout, mais je porte pas de jugement, quoi. Mais je trouve que quand même, les gens, ils ont tendance à porter un jugement, quoi, sur la façon dont on vit, parce qu'on est sur l'eau et on vit vraiment différemment, quoi. Est-ce que tu pourrais me parler des plus beaux souvenirs que tu as sur l'eau, des plus beaux endroits que tu as découverts, des moments marquants, des choses qui ont juste fait waouh? Ben déjà c'est la nuit quoi. Déjà c'est la nuit, ben lorsqu'on fait nos quarts, lorsqu'on est allongé et lorsque, ben bien sûr le bateau il est voilé quoi, donc lorsqu'il y a notre grand voile et notre génois, et ben que Tim Charles se dandine à droite à gauche et lorsqu'on regarde le haut du mât, et que l'eau du mât passe d'un côté à l'autre dans les étoiles. Ça c'est pour moi c'est ce qui est le plus émouvant je trouve quoi. Ouais. La nuit j'adore la nuit quoi. Après ce qui est fabuleux c'est lorsqu'on arrive dans un endroit comme au Vanuatu par exemple, aux Banks, au nord des Vanuatu, les Banks Island, et que ben il fait mauvais, et puis on ne peut pas aller à terre avec notre petite annexe parce qu'il fait très très mauvais, donc on doit attendre que le vent se calme et qu'il y a les gens sur la plage, parce qu'il y a pas trop trop de bateaux qui passent non plus là-bas quand même, quoi. Et puis les gens sur la plage qui sont là, et puis ils font long en large, et puis on voit, ils font des grands signes et tout ça, mais nous on peut pas y aller, on est vraiment désolés, quoi, parce que c'est un peu dangereux, quoi, et au plus de laisser Tim Schall tout seul et aller à terre aussi, quoi. On a besoin de quelques conditions aussi de sécurité, quoi, tu vois. Mais c'est quand t'arrives dans un endroit comme ça et que tu connais pas les gens, et que les gens ils te sourient d'une façon, mais t'as leur cœur qui sort de leurs yeux, quoi. C'est... T'as jamais vu ça, quoi. T'as jamais vu ça, comme je veux dire. C'est ça, quoi. Pour moi, c'est... Ouais, c'est le visage. Et puis, c'est cette espèce de chaleur qui se dégage des gens et qui t'enveloppe comme ça. C'est... Tu les connais pas, quoi. T'arrives, puis ils sont là, ils viennent t'attraper, puis ils te touchent, et puis... C'est... Ouais, c'est très, très émouvant, quoi. C'est des moments, moi, c'est ça. C'est la rencontre avec enfin, tout ce qui est humain, quoi, surtout, quoi. Puis c'est dur, hein, parfois, parce que tu vas dans des endroits, tu rencontres des gens, c'est... Franchement, c'est des gens qui survivent, quoi. Ils survivent, alors c'est dur, parce que tu vois, ils sont habillés de haillons, ils ont les dents en très très mauvais état, et souvent, c'est des gens qui ont des problèmes de santé, quoi. C'est dur, hein. Ben, des fois, c'est dur aussi, hein, parce que, waouh, des fois, il faut passer des barrières comme ça, hein, je veux dire. Mais en fait, c'est des gens qui t'accueillent chez eux, mais ils ont rien, quoi. Ils ont rien. Ils te donnent tout. C'est ça, quoi. C'est un truc de dingue, ça. C'est des gens, ils ont rien et ils te donnent tout. Moi, je connaissais pas ça avant, quoi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Combien ça coûte une vie sur l'eau? Quelles sont les dépenses? Comment tu t'organises d'une manière économique? Bien, en fait, c'est l'entretien du bateau, hein, qui coûte le plus cher. Hein. Alors en fait, au départ, quand tu as un bateau que tu viens de construire, tu as un bateau qui est neuf, hein, donc en acier. Donc, au niveau de l'entretien, dans les premières années, tu ne dépenses pas trop. Tu as beaucoup plus d'argent en fait, pour toi, pour ton plaisir, hein, te balader, faire des choses à l'extérieur. Et puis après, par contre, non, c'est un peu compliqué à gérer parce que ben, tout tombe, pas tout tombe en panne, mais tout vieillit pratiquement au même moment parce que tout était pratiquement neuf au même moment. Donc ben, après, tu as tout qui s'abîme et il faut changer beaucoup, beaucoup de choses au même moment. Donc là, ça fait un budget terrible parce que les voiles, ben, en fait, elles s'abîment tout au même moment. Elles finissent leur vie au même moment pratiquement. Hein. Et puis après, c'est les peintures aussi, les peintures du bateau. Mais nous, on a un bateau en acier, donc après, c'est la rouille. Hein. Au bout d'un certain moment, quoi. Après, les plexiglas aussi, qui sont nos fenêtres, hein, si tu veux. C'est pareil. Au bout d'un moment, ben, le plexi, il craquelle, tu vois. Et ça se passe au même moment, tout ça. C'est au bout d'une... entre 12 et 13 ans, quoi, à peu près, quoi, tu vois. Alors là, après, ça devient... C'est très, très cher de tout changer, quoi. Petit à petit, il faut tout changer, tout changer. Et là, ben, tu passes quelques années où... Ben, quelques années où c'est le bateau, quoi. Et nous, on vient de passer ces années-là où c'était le bateau. Alors là, à nouveau, on peut faire pas mal de trucs. D'ailleurs, tu vois, je suis venue à Bali. Et j'avais envie de venir à Bali, ça fait très très longtemps, hein, voir faire Robert. Mais là, je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas. C'est des impératifs, quoi. On peut pas. Et puis nous, ben, c'est sûr qu'un bateau, il faut qu'il soit en état, quoi. Parce qu'après, c'est un problème de sécurité aussi. Et puis Tim Schall, nous, on veut pas seulement qu'il soit en état, on veut qu'il soit beau aussi, quoi. Alors, ben voilà, on ne veut pas qu'il brille, hein, mais voilà quoi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.